Document 2, page 94. Mademoiselle Lefebvre, vous avez les horaires des TGV Paris-Bordeaux ? Oui, monsieur. Il y a un train vers 6 heures mardi prochain. Oui, il y en a un qui part de Paris à 6h15 et qui arrive à Bordeaux à 9h21. Réservez-moi une place, s'il vous plaît. Un aller simple ? Non, un aller-retour, bien sûr. Pour le retour, vous avez un train à 19h47 et un autre à 19h51. Le premier ne met que 2h58 pour faire le voyage. L'autre est moins rapide. Réservez une place dans le premier. D'accord. N'oubliez pas qu'il faut aller à l'aéroport demain soir. Pourquoi ? Mais Monsieur Fernandez arrive de Bruxelles à 21h05. Il vient à Paris pour visiter notre magasin. Il ne va rester ici qu'une journée. Après, il part à Madrid. Il faut organiser sa visite. On peut faire ça maintenant ? Non, je dois recevoir Monsieur Perret qui vient de Lyon. Je suis libre seulement entre midi et 2h. Bon, d'accord.